Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, ça carabistouille ce matin ? Wesh, gros, tranquille. Et pourtant, mon sommeil fut grippé par une histoire extraordinaire. Un cauchemar digne de la nuit des porcs vivants. Cela dit, un masque et ça repart. Enfin bref, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, ce matin, le dossier Epsilon numéro 35, c'est Po. C'est Po ? Foutre Dieu, mais qui donc est-ce ? C'est Po Rouge, c'est Sitting Bull. Voilà, arrêtez, vous me foutez les boules, là. C'est Edgar Allan Po. Edgar Allan, Gare au Gorille, c'est Georges Brassens. Allez, lancez-moi quand même la deuxième brique. Eh, vous êtes relou ou quoi ? Il n'y a pas de deuxième brique. Le patient du jour, c'est Edgar Po. C'est un peu compliqué ce matin, mais je ne renonce pas. Envoyez-moi la troisième brique. Ok, d'accord, vous y tenez. Dernière brique, concentrez-vous. Metzengerstein. Ah, ok, doc. C'est l'auteur du conte fantastique Metzengerstein, paru en 1832. Nous nous penchons évidemment ce matin sur le formidable dossier Edgar Allan Poe. Alors allons-y, professeur Mauduit, et étudions le cas de cet écrivain maudit. Allez, maniez-vous le train, les corbeaux, et apportez au labo le dossier de Monsieur Poe. Allez, Edgar, à table. Eh bien, moi je crois que je me contente d'imaginer des fables. Je m'évade dans d'autres mondes. Lorsque je n'arrive pas à écrire, lorsque je ne trouve pas cette évasion, j'aimerais m'arracher la tête et pousser des hurlements dans les rues en foutant mes couilles au milieu d'un panier de fruits. Il s'agit là, n'en pas douter, d'une renaissance psychique. Edgar Allan Poe, drôle d'oiseau, dont la plume a produit une œuvre folle qui nous ravit sans cesse, mais qui nous terrifie et nous ensorcelle aussi. Dans ses contes fantastiques, Edgar Poe a flanqué toute la tristesse, la solitude et le désespoir qui caractérisent tous les incompris. Néanmoins, nous sommes ici ce matin pour tenter d'y voir plus clair. Ainsi, débutons notre séance par la traditionnelle première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer immédiatement ce qui nous passionne précisément au cœur de la structure mentale de notre patient. Eh bien justement, professeur Colin, vous parliez à l'instant d'essayer d'y voir un peu plus clair dans l'obscure psyché d'Edgar Poe. Alors pour ce faire, peut-être faut-il commencer par scruter le curieux visage de notre patient et plus particulièrement accepter de se plonger dans l'étrange regard qui fut le sien sur la fin de sa vie. Edgar Poe, si l'on en croit les personnes qui le rencontrèrent dans cette année 1849, avait pris la physionomie de ses contes et de ses poésies. Une belle mais assez effrayante figure. Mrs. Wells avait peur de ses yeux. Quels terribles yeux à Monsieur Poe. Mon sang se glace quand il les tourne lentement et les fixe sur moi. Mrs. Wells les a dépeints ainsi, ses yeux, pour nous peut-être. Des yeux très grands, aux longs cils noirs comme du jais, à l'iris d'un gris d'acier foncé, clair et transparent comme du cristal, et dans la pupille noire aussi comme du jais, se dilatait et se contractait au moindre reflet d'une pensée et d'une émotion. Évidemment, nos 53 minutes ne suffiront sans doute pas à percer tous les mystères du regard ensorceleur d'Edgar Allan Poe. Mais nous allons au moins essayer d'établir ensemble un authentique diagnostic afin de savoir si oui ou non les méandres névrotiques de cet ancêtre de la littérature fantastique recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien monte sévèrement le son puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de notre bizarroïde écrivain bostonien par une fable New Wave d'un auteur arachnéen. De très beaux corbeaux pour Edgar Allan Poe. Edgar Poe était particulièrement indiqué comme thème d'une étude psychanalytique vu le caractère pathologique de son œuvre et de sa vie. Maintenant, par exemple, j'ai posé la question à Freud au moment où j'écrivais le livre sur Edgar Poe parce que j'étais à ce moment-là à Vienne et j'étais analysé par lui. Je lui dis qu'est-ce qui serait arrivé à Edgar Poe si on l'avait analysé. Eh bien, il me dit... Il serait resté un écrivain de génie, mais il aurait probablement écrit autre chose. Ah, oui, voilà. Mais voilà. Mais il serait resté un écrivain de génie. Avant tout, le ministère psychique remercie chaleureusement notre éminente confrère, le professeur Marie Bonaparte, pionnière de la psychanalyse en France, qui ouvre ce matin cette séance du ministère psychique consacrée à un écrivain à la fois fantastique et extraordinaire, Edgar Allan Poe. Edgar Poe, né à Boston le 19 janvier 1809, est le fils d'un couple de comédiens ambulants décédés l'un et l'autre quand le petit Poe était tout minot. Le petit Edgar Poe est alors adopté par la famille Allan, d'où son nom. Puis Poe quitte les Allan pour tenter une carrière militaire qui fait long feu et s'installe ensuite à Baltimore pour vivre de littérature. En 1835, il est rédacteur pour la revue Richmond et la même année, il rencontre Virginia Clemm, sa cousine et sa cadette de 13 ans qui, justement, n'a que 13 ans et qu'il épouse à Baltimore. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? J'ai un don qui me vient du bon Dieu. Toi alors, t'as l'air drôlement content de toi, non ? Bien sûr que oui. Pas toi. Moi? Je suis rien du tout, moi. Puis j'ai que 13 ans. Mais t'es déjà une vraie femme là où ça compte. Ce qui compte le plus pour Edgar Allan Poe, c'est de faire carrière dans la littérature, en prose ou en vers, et pour y parvenir, il s'installe avec Virginia à New York. Edgar collabore à plusieurs journaux et revues, et même si parfois c'est dur, il s'intègre parfaitement à la vie citadine. C'était un homme des villes, c'était un citadin exclusivement qui vivait dans les profondeurs des villes. Je méprise tout individu comme le monde me méprise. Je supporte la triste pauvreté, les mille affronts et tous les maux qui en résultent en Amérique, où, plus qu'en tout autre pays, être pauvre, c'est être méprisé. C'était un homme qui fréquentait les salons littéraires, qui baignait dans une atmosphère de culture et de mondanité, même. Et à une époque où, effectivement, il y avait la ruée vers l'or, les pionniers partaient avec leurs chariots, il y avait les Indiens, il y avait Davy Crockett. Et parallèlement à ça, il y avait le développement industriel des États-Unis et le développement des villes. C'est un monde qu'il ignorait complètement, celui des chercheurs d'or, celui de la ruée vers l'ouest. C'était un univers qui ne le concernait absolument pas. Je crois qu'il a écrit deux ou trois lignes à ce sujet-là. Mais c'est un homme qui a vécu entièrement pour la littérature, exclusivement dans un univers littéraire. Le progrès des États-Unis était quelque chose qui ne l'intéressait absolument pas. Ne me parlez pas de gloire. J'en exacre le nom. J'ai un mortel dégoût de toutes ces creuses et sonores vanités de la terre. Ce que je veux, c'est $20 par semaine pour assurer la subsistance des miens et me détacher de ces corvées littéraires qui usent mon esprit. Ce que je veux, c'est créer. Créer librement. Et en effet, Edgar Allan Poe crée beaucoup. Il écrit dans les journaux, des petites nouvelles dont le style et le thème attirent un public de plus en plus nombreux et curieux. Ces textes sont regroupés plus tard dans ces histoires extraordinaires. Mais le succès n'est toujours pas là. Et dans sa famille, on a toujours un peu de mal à comprendre ce que Poe fait réellement. Mais ton boulot, c'est quoi, si je peux me permettre la question? Eh bien, en fait, je suis écrivain. Pas possible. Ça, c'est rude comme turf. Moi, je dis chapeau aux mecs qui peuvent en vivre. Et c'est passionnant, ce boulot, j'imagine. Parfois, c'est pas facile, mais sacrément difficile, j'imagine. Oui, sacrément difficile. Mais Edgar Poe s'acharne, écrit beaucoup. Et il a raison. Car en 1845, avec son poème intitulé « Le Corbeau », il connaît enfin la reconnaissance et le succès. Ce poème paraît dans le New York Evening Mirror. Poe y raconte l'histoire fantastique d'un corbeau omniprésent dans la vie du narrateur qui vient de perdre son amour. Le corbeau répète sans cesse un terrible « jamais plus » qui conduit à la folie. Je poussai alors le volet, et avec un tumultueux battement d'ailes, entra un majestueux corbeau digne des anciens jours. Il n'y a pas de corbeau chez nous. Seul le grand corbeau, qui habite dans l'Est, a droit à ce titre. Et chez nous, nous appelons corbeau les corneilles, les freux, les choucas et les chocas. Enfin, j'appellerai corbeau pour parler comme tout le monde. Le corbeau dit « jamais plus ». Tout le monde sait d'ailleurs qui vivent en bandes, qui passent leur journée dans les champs à chercher leur nourriture, eh bien, dans ces bandes règne une hiérarchie très très stricte, avec corbeaux de premier rang, de deuxième classe, troisième catégorie, etc. Les corbeaux d'un rang supérieur sont dominants de ceux des classes d'en dessous. Il ne fit pas la moindre révérence. Il ne s'arrêta pas. Il n'hésita pas une minute. Mais, avec la mine d'un lord ou d'une lady, il se percha au-dessus de la porte de ma chambre. Il se percha sur un buste de palace, juste au-dessus de la porte de ma chambre. Il se percha, s'installa, et rien de plus. Le corbeau dit « jamais plus ». Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Dites-moi qui est ce grand corbeau noir. Je suis perdu dans le soir. Et mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le plancher, ne pourra plus s'élever. Jamais plus. Et mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le plancher, ne pourra plus s'élever, jamais plus. Ce sont sans doute les mêmes mots que s'est dit Edgar Poe ce 7 octobre 1849 au Washington College Hospital de Baltimore quand il rend l'âme. Il y a une chose que j'ai constatée. Edgar Poe est arrivé à Baltimore un jour d'élection régionale du Maryland. Bon, la démocratie américaine, qui a été si admirable surtout à ses débuts, avait aussi un revers qui n'était pas si admirable, et les élections étaient quelque chose d'épouvantable. On ramassait des gens dans la rue pour les saouler, pour leur donner un mélange d'alcool et on ne sait trop quelle drogue, et on les traînait devant 3-4 bureaux de vote, et ensuite on les achevait à coups de boisson, on les enfermait, et pour qu'ils ne sachent rien de ce qui s'est passé, et ensuite ils en sortaient, on ne sait pas dans quel état. Eh bien, Edgar est sorti un peu mort de cette nuit funeste à Baltimore. Poe n'a donc jamais réellement profité de son succès naissant. D'ailleurs, c'est en Europe, avec des traductions de Charles Baudelaire et de Stéphane Mallarmé, que Poe a été révélé. Le soi-disant alcoolisme de Poe, son goût pour le fantastique et le morbide, ont éloigné de la reconnaissance immédiate celui qui est aujourd'hui devenu un classique. Un auteur classique, comme Madame de Lafayette et sa princesse de Clèves. Notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement de M. Edgar Poe demeure évidemment une menace pour notre société. Alors maintenant, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Colin, nous voici ce matin, tels deux edgaragistes, face au cas Poe, un dossier évidemment extraordinaire, traduit par Charles Baudelaire, qui ne fut pas Mallarmé pour nous offrir, en français, ces pages chargées de mystère et de poésie. C'est en 1849 qu'Edgar Allan Poe est mort. Et contre les Poe morts, le mieux, c'est certainement d'utiliser un exfoliant, mais c'est surtout de jeter un coup d'œil sur la dernière demeure où le poète poétait. Edgar Poe fut mis sous terre dans le cimetière presbytérien de Baltimore le 7 octobre 1849 sous une simple pierre tombale sans inscription. 10 années plus tard, sa famille lui offre du marbre blanc avec comme épitaphe « Hic tandem felicis conductur reliquae Edgar Allan Poe ». Ici, enfin, il est heureux, Edgar Allan Poe. Ce n'est qu'en 1913 qu'est posée la pierre tombale qui couvre encore aujourd'hui le corps de Poe ou ce qu'il reste du pot-pourri. Mais cette fois-ci, l'écrivain a pour épitaphe un extrait de son œuvre « Quoth the raven, nevermore ». Le corbeau dit « jamais plus » selon la traduction des Beauvers par Charles Baudelaire. Alors tout de suite une remarque. Il est indubitablement préférable de prévoir soi-même son épitaphe avant sa mort, pour éviter des désagréments éternels. Ainsi, Jacques du Laurence, un poète satirique du XVIe siècle, avait prévu comme épitaphe pour son épouse « Si j'y ma femme, oh qu'elle est bien, pour son repos et pour le mien ». Ou encore cette épitaphe que prévoyait Sacha Guitry à la toujours coquine Yvonne Printemps, « Enfin froide ». Ce à quoi l'actrice menaça d'écrire sur la tombe de Guitry « Enfin raide ». Donc, l'épitaphe d'Edgar Poe est le plus jamais croassé par le corbeau, ce qui s'accorde d'ailleurs très bien avec le « comme toujours » du mystérieux visiteur du cimetière de Baltimore. En effet, tous les ans, dans la nuit du 19 janvier, jour de la naissance d'Edgar Allan Poe, un étrange admirateur dépose sur sa tombe 3 roses et 1 bouteille de cognac, et cela sans interruption depuis 1949, année du centenaire de la mort de l'écrivain. Personne ne sait qui est The Poe Toaster, ni la raison de cette tradition, sans doute aujourd'hui perpétuée par les enfants de son créateur qu'on pense décédé autour de 1998. Voilà, pour Edgar Allan Poe, c'est du cognac et des roses déposées sur sa tombe, tandis que pour Gainsbourg, au cimetière du Montparnasse, ce sont des cigarettes et des tickets de métro. Et à Gandrange, bien sûr, ce sont des promesses et une Rolex. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient. Une personnalité hors ligne et génialement macabre. Cela dit, le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patient cet écrivain fantastique, hanté par le corbeau qu'il voyait sans cesse quand il levait la tête vers le ciel et les yeux là-bas vers les anges. Quand tu lèves la tête vers le ciel, c'est étrange. Quand tu lèves tes yeux tout en haut là-bas vers les anges, tu crois toujours croiser une étoile filante à la robe scintillante et toujours brûlante. Quand tu lèves tes yeux, ton corps se met à tanguer, tes mains tremblent et ton cœur se peut oublier. Crois toujours voir au fond de tes yeux la trace du passage de la robe étincelante et toujours aussi brillante. Mais dans le ciel tout noir, c'est un avion qui se barre. Mais dans le ciel tout noir, vraiment trop noir. La lune se marre, la lune. La lune se marre, la lune. La lune se marre, se fout de ta gueule et puis repart. La lune se marre, la lune. La lune se marre, la lune. La lune se marre, se fout de ta gueule et puis repart. Quand tes genoux tombés à terre, tout trempé par l'eau de la flaque, tu te baisses et tu ramasses une caillasse que tu lui balances à la gueule de toutes les forces de ton tout petit corps, à cette insolente arrogante qui te reluque toute souriante. Mais sur le sol tout noir, le caillou s'écrase comme un cafard. La mort et la lune n'avaient pas de rancard. La lune se marre, se marre. La lune se marre, la lune. La lune se marre, la lune. La lune se marre, se fout de ta gueule et puis repart. La lune se marre, la lune. La lune se marre, la lune. La lune se marre, se fout de ta gueule et puis repart. La lune, c'est l'attraction désastre version La Casa. Quant à nous, poursuivons immédiatement l'exploration lunaire de notre patient lunatique. Trifouiller la face cachée du patient, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir découvert les grandes étapes existentielles et constitutives de la structure mentale de notre fantasque patient, il est temps, me semble-t-il, d'approfondir notre analyse à travers le regard de Charles Baudelaire, qui fut l'un des tout premiers en Europe à défendre l'œuvre d'Edgar Allan Poe. Avant tout, il faut se souvenir que le 5 juillet 1857, le critique littéraire du Figaro accueillait ainsi la publication des Fleurs du Mal. Il y a des moments où l'on doute de l'état mental de M. Baudelaire. Et il y en a où l'on n'en doute plus. Dans sa poésie, l'odieux y côtoie l'ignoble. Merveilleux journal avant-gardiste qu'est encore aujourd'hui le Figaro. Toujours est-il que Charles Baudelaire fut un poète incompris par la majorité de ses contemporains. Cela dit, son esprit torturé en fit un lecteur averti des contes tortueux d'Edgar Poe. D'ailleurs, outre qu'il fut son principal traducteur en France, Charles Baudelaire a également beaucoup écrit pour essayer de faire comprendre les méandres du cerveau d'Edgar Poe. Poe avait un front vaste, dominateur, où certaines protubérances trahissaient les facultés débordantes qu'elles sont chargées de représenter. Construction, comparaison, causalité, et où trônait dans un orgueil calme le sens de l'idéalité, le sens esthétique par excellence. Cependant, malgré ses dons, ou même à cause de ses privilèges exorbitants, cette tête, vue de profil, n'offrait peut-être pas un aspect agréable. Comme dans toute chose excessive par un sens, un déficit pouvait résulter de l'abondance, une pauvreté de l'usurpation. Il avait de grands yeux à la fois sombres et pleins de lumière, d'une couleur indécise et ténébreuse, poussée au violet, le nez noble et solide, la bouche fine et triste, quoique légèrement souriante, le teint brun clair, la face légèrement pâle, la physionomie un peu distraite et imperceptiblement grimée par une mélancolie habituelle. Néanmoins, au grand désespoir de Baudelaire, nos deux âmes damnées ne se sont jamais rencontrées, puisqu'Edgar Poe est mort au moment même où le poète français commençait à découvrir la prose de l'écrivain américain. Résultat, Baudelaire a beaucoup fantasmé sur la personnalité d'Edgar Poe, qu'il nous a un peu présenté comme un double élogieux de lui-même, à savoir un magnifique écrivain maudit et sulfureux. Du coup, dans les années 1850, le mimétisme baudelairien à l'égard de Poe était parfois un peu excessif, notamment lorsque Charles œuvrait à faire découvrir le génie d'Edgar Poe dans les cercles littéraires parisiens. Bien que je n'ai pas la prétention de posséder de grands talents oratoires, je me ferai une joie, avec votre permission bien sûr, de vous dire quelques vers nés de l'esprit tourmenté de Monsieur Edgar Allan Poe. Hélène, ta beauté est pour moi comme ces barques nicéennes d'autrefois qui sur une mer parfumée portaient doucement le défait et la voyageur à son rivage natal. Alléluia. Sur des mers désespérées, longtemps coutumier d'errer, ta chevelure hyacinthe, ton classique visage, tes airs de naïade m'ont ramené chez moi, à la gloire qui fut la Grèce, à la grandeur qui fut Rome. Alléluia. Persuadé d'avoir trouvé outre-Atlantique son génial double égotique, Charles Baudelaire fut pris d'une véritable passion pour Edgar Poe. Cela dit, notons que cet excessif transfert psychique s'est accompagné de quelques malheureuses légendes colportées, parmi lesquelles celle de l'alcoolisme d'Edgar Poe, que Baudelaire nous présenta bien sûr sous un jour positif, puisqu'il s'agissait soi-disant d'une efficace méthode de travail. Très bien. Sauf qu'en réalité, Edgar Poe n'a jamais été vraiment alcoolique. C'est une étiquette qui lui fut collée sur le dos par ses plus féroces détracteurs new-yorkais. Mais de son côté, forcément, l'ami Baudelaire y trouva la formidable opportunité de justifier ses paradis artificiels. Oui, ma drogue, mon hachiche. Ne soyons pas trop sévères avec Charles Baudelaire, car il ne faut jamais oublier qu'avec Mallarmé, il fut un visionnaire du génie d'Edgar Poe. À tel point que les histoires extraordinaires furent traduites et publiées en France dès 1856, soit moins de 10 ans après la mort de notre passion. Au passage, sache que c'est à la même époque, en 1853, que Charles Baudelaire fit une curieuse rencontre sur les pavés de Paname. Un certain William Mann, un New-Yorkais fraîchement installé à Paris et qui fut un étrange et précurseur collectionneur des œuvres d'Edgar Poe. Évidemment, toujours aussi omnubilé par l'univers magique de son double, Charles Baudelaire tenta aussitôt de séduire cet aficionado. C'est bien la première édition, n'est-ce pas? Très demandée par les collectionneurs passionnés d'Edgar Poe. Oh, je pense bien. Oh, puis-je vous demander comment vous voulez le procurer? Ce n'est pas à moi. C'est à monsieur, cette collection. Enchanté. J'étais justement en admiration devant votre collection. Est-ce que vous le vendriez, peut-être? Oh, je ne crois pas, non. Comme vous le savez, on n'en connaît que 6 de cette édition-là. Ah, oui, c'est vrai. Vous vous intéressez à Edgar Poe? Oui, mais si je peux me permettre, je suis prêt à le payer très cher. Je ne puis le céder. je ne pourrais envisager de déparier ma collection. Et voyez-vous, j'ai consacré toute ma vie à Edgar Allan Poe. Je l'admire et je le vénère. Ça, c'est une cravate d'Edgar Poe. Il l'a portée à Baltimore quand il a fait sa dernière conférence. Vous avez d'autres objets lui ont appartenu. Ma collection est absolument complète. Est-ce que vous savez que Poe jouait de la flûte? Non. Si. Oh, comme c'est drôle. Oui, en effet, c'est amusant de savoir qu'Edgar jouait du pipeau. Alors certes, ce William Mann refusa de vendre à Charles Baudelaire quelques précieux objets de sa collection. Néanmoins, il lui prêta tout de même de nombreux numéros du Messager de la littérature du Sud, un magazine de Baltimore pour lequel Edgar Poe travailla comme journaliste de 1834 à 1837. Baudelaire y puisa de nombreuses informations dans les récits que notre passion y publia, ce qui permit à Charles d'écrire un article intitulé « Edgar Poe, sa vie et ses œuvres », un texte qui servit ensuite de préface à la première édition des Histoires extraordinaires. Assurément, la passion baudelairienne pour Edgar Poe fut généreuse, voire sans limite, si puissante d'ailleurs, qu'à la fin de sa vie, dis donc, Charles Baudelaire voyait Edgar Poe partout comme une obsession. Je connais dans une boîte de Soho une nommée Pamela Popo. Une de ces petites nanas dont la peau est plus noire qu'un conte d'Edgar Allan Poe. Pamela Popo. Oui, bon, résultat, Charles Baudelaire est mort de la syphilis le 31 août 1867 sans avoir pu réaliser son projet d'une édition définitive des Fleurs du Mal, le labeur de toute une vie. Par ailleurs, il faut également savoir que les origines de la fascination baudelairienne pour Edgar Poe furent multiples. C'est pourquoi, dès à présent, nous allons découvrir, par le truchement d'une enquête pointue produite par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, quel aspect de l'univers littéraire chez Poe fascina plus précisément Baudelaire. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble cette curieuse digression autour des pouvoirs ensorceleurs de notre patient manipulateur. L'interne, pointez-vous au labo et que ça dépote. Ladies and gentlemen, professeur, pardon. Le fantasque du jour serait donc l'écrivain Edgar Allan Poe. Eh bien, sachez que pour ce dossier, j'ai eu beau étudier, examiner et enquêter, je n'ai rien trouvé. Edgar Poe n'ayant consacré sa vie qu'à l'écriture, j'ai alors dû faire appel à un spécialiste. Pour définir en quelques mots Edgar Allan Poe, je crois qu'il faut absolument citer Charles Baudelaire, qui l'a traduit, mais aussi véritablement révélé. Et il le précise en introduction des nouvelles histoires extraordinaires. Il dit « Aucun homme n'a raconté avec plus de magie les exceptions de la vie humaine et de la nature ». Mais c'est bien sûr. Si Edgar écrivait avec magie, c'est bien parce qu'il était lui-même magicien. Et ce, depuis son enfance, comme en 1816, à Londres, alors qu'Edgar et sa famille d'accueil, les Allan, étaient au bord de la faillite et que tous les moyens furent bons pour gagner quelques pennies. Je peux pas payer ça. Je peux peut-être en gagner du fric. Je commence à toucher ma bille comme magicien. Appréciez, venez voir le petit mandrake. Ces tours de magie vous rendront tellement perplexes que vous vous gratterez la tête jusqu'au sang. Oh, d'où Jésus. Boule le peignot, le gosse, il fait pas ça gratos. Mais les qualités de prestidigitateur du jeune Poe ne s'arrêtaient pas à de simples tours d'illusionnisme. Ainsi, en 1817, alors que les Allan insistaient pour placer Edgar en pension, un étrange émissaire va annoncer une nouvelle abracadabrantesque. Je suis un quoi? Un sorcier. Et tu seras un sacré bon sorcier quand tu te seras un peu entraîné. Non, non, vous faites erreur parce que... Je ne suis pas un sorcier. Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Il n'est pas question qu'il s'en aille, vous entendez? Quand nous l'avons recueilli, nous nous sommes jurés d'en finir avec ses sornettes. Vous le saviez. Ainsi, contre l'autorité de ses parents adoptifs, Edgar Allan Poe s'est alors secrètement exercé à la magie et à la sorcellerie. Et si Poe menait au quotidien une carrière d'écrivain, il a su user de ses talents de magicien dans certaines situations. Ok, je veux que vous m'observiez attentivement. Accordez-moi toute votre attention, hein? Maintenant, vous allez prendre une carte. Choisissez la carte que vous voulez. Ça y est? Voilà ma poule. Prenez-la. Vous l'avez? Alors maintenant, vous la mettez dans votre sac à main. Mettez la carte. Elle va mettre la carte dans son sac à main. C'est fait? Et maintenant, dites à tout le monde quelle carte c'était. C'est le 6 de cœur. 6 de cœur. Ah, je peux vous poser une question? C'était ce 6 de cœur? Oh, mais attends, je l'ai mis. Vérifiez, allez, vérifiez votre carte. Vérifiez votre carte. Inimaginable! Mais si ses talents de magicien séduisaient un certain public, ses pratiques en sorcellerie, par contre, finirent par énerver sérieusement son entourage, comme en 1842, quand il fut reçu par Charles Dickens à Philadelphie pour travailler sur un projet de copyright. Moi, je veux bien que vous vous transformiez en ce que vous voulez. Ce que je veux pas, c'est que vous en profitiez pour venir vous vautrer sur mon plumard. Je suis désolé, mais quand je me transforme en chat, j'ai des réflexes de chat. Les coussins, la cheminée... Alors transformez-vous en autre chose. Mais là, c'est la semaine du chat, c'est pas moi qui décide. Après, c'est fini. Après, c'est la semaine de l'araignée. Mais c'est pas vrai! Bah oui, mais cette année, ça tombe deux semaines de suite! Et vous allez venir crapahuter sur les murs de Napiole aussi! Ah non, quand je suis en araignée, je passe une semaine entière enfermée dans mon labo, parce que voyez-vous, les gens ont certains réflexes avec les araignées. Un accident est vite arrivé. Mmh. Une semaine entière dans le labo, sans sortir? Bah, je joue la sécurité. Mais qu'est-ce que vous bouffez? Des moucherons? Bah oui, je suis con. Magicien zoomorphe, Edgar Allan Poe en surprit plus d'un en enchaînant ainsi les métamorphoses à n'y plus rien comprendre. Tour à tour araignée, puis chat, puis... Bref, tu ramènes encore ta grande gueule avec tes tours à 2 francs 50. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette étrange divagation qui nous confirme ce matin qu'Edgar Poe fut bel et bien un magicien. Pour finir, sache que Baudelaire est loin d'être le seul artiste envoûté par le génie macabre de notre patient. À titre d'exemple, voici la bande sonore en français du tout premier film de Tim Burton, court-métrage intitulé Vincent. Voici Vincent Dupont. Il vient d'avoir 7 ans. Il est toujours poli. C'est un garçon charmant. Il aime peindre et lire, ce qui est très salubre. Seulement ce qu'il lit n'est pas de tout repos. Vincent a pour auteur favori Edgar Poe. Un soir, dans une horrible histoire d'élixir, il lut un paragraphe qui le fit pâlir. La nouvelle qu'il lut le glaça d'épouvante. Sa très belle femme est enterrée vivante. Il creusa pour s'assurer qu'elle était bien morte, en détruisant ainsi des fleurs de toutes sortes. Sa mère l'envoya méditer dans sa chambre. Il sut que de ce monde il ne serait plus membre et qu'il devrait passer le restant de ses jours seul avec le portrait de son défunt papou. La chambre vacilla et trembla de partout. Il comprit qu'il était désormais vraiment fou. Pour fuir cette folie, il alla vers la porte, mais il tomba sans vie, comme une feuille morte. Ce fut d'une voix faible et lente qu'il cita la fin du corbeau d'Edgar Poe comme constat. Et mon âme de cette ombre à l'air incongru, clouée au sol, ne s'élèvera jamais plus. Bien. Alors, après avoir pris connaissance à l'instant qu'il est sans aucun doute passionnant de relire l'œuvre filmée de Tim Burton à la lumière d'Edgar Allan Poe, il est temps désormais d'entamer l'ultime partie de notre analyse qui consiste justement à nouveau à repérer les influences de la psyché de notre patient dans notre société réellement de plus en plus étrange. Et avant tout, comme d'habitude, c'est une tradition ministérielle, amorçons notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. Ainsi, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit, un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté ces derniers jours d'expertiser les échos de notre écrivain à l'univers fantastique, au cœur de notre histoire récente. Alors, cher professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons attentivement cette fable étrange à l'évolution dramatique et que nous avons intitulée ce matin « Texto trouvé dans une bouteille ». L'expert jungien, pointez-vous au labo! Allez hop, au pont! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Vrai, je suis très nerveux, épouvantablement nerveux. Je l'ai toujours été. Mais pourquoi prétendez-vous que je suis fou ? Bah, vous êtes trop intelligent pour caricaturer à ce point. Je vous ai connu plus fin, hein ? Alors, vous voulez que je fasse une citation du Figaro ce matin, Nicolas Sarkozy ? Faites moins du gros rouge et ça ira mieux. On m'a souvent reproché l'aridité de mon génie. Un manque d'imagination m'a été imputé comme un crime. Il y a une crise du travail dans notre pays. Parce que le travail n'est pas assez considéré, n'est pas assez respecté, n'est pas assez récompensé. Comment donc suis-je fou ? Observez avec quelle santé et avec quel calme je puis vous raconter toute l'histoire. Tout part de là. Après plusieurs années, dépensées dans un lointain voyage, je m'embarquais, n'ayant pas d'autre mobile qu'une nerveuse instabilité qui me hantait. Le peuple français s'est exprimé. Je vais donc réhabiliter le travail, l'autorité, la morale, le respect, le mérite. Je vais remettre à l'honneur la nation et l'identité nationale. Quant à ce qui arriva en réalité, aucun être humain n'aurait jamais pu s'y attendre. C'est au-delà de toute possibilité. Crise sur les marchés financiers. Les bourses ont littéralement plongé hier après la mise en faillite de la grande banque américaine Lehman Brothers. Cette situation très préoccupante va forcément avoir des répercussions pour nous. D'abord que les Français soient inquiets, c'est normal. Comment pourrait-il en être autrement ? Cette crise que nous connaissons, c'est une crise comme le monde n'en a jamais connue depuis un siècle. J'avais commencé les passes que j'avais déjà reconnues les plus efficaces. Je leur expliquais en peu de mots mon dessein. Alors notre réponse à la crise, et c'est un choix que nous faisons, notre réponse à la crise, c'est l'investissement. Mais il ne me reste que peu de temps pour rêver à ma destinée. En tout, et selon les syndicats, 3 millions de personnes dans les rues. Nous plongeons follement dans l'étreinte du tourbillon. Tous ces Français, issus du public comme du privé, réclament une autre politique face à la crise. À travers le mugissement, le beuglement et le détonnement de la tempête. Ce à quoi François Fillon répondait hier soir, que le gouvernement ne ferait pas de gestes supplémentaires. Le navire tremble. Oh Dieu ! Il se dérobe. Il sombre. Le navire tremble. Oh Dieu ! Il se dérobe, il sombre. Ça fout la trouille, hein. Néanmoins, cette libre adaptation de cette histoire extraordinaire, intitulée à l'origine « Manuscrit trouvé dans une bouteille » et publiée par Edgar Poe en octobre 1833, n'est que le premier élément des résurgences politiques et contemporaines de la littérature de notre passion. Car vois-tu, à force de farfouiller dans les écrits d'Edgar Poe, le ministère psychique est tombé par hasard, figure-toi, sur un autre conte fantastique, certes, totalement méconnu du grand public, et publié en mai 1841, mais qui s'avère être tout aussi passionnant que cette première histoire que nous venons d'entendre. Ce conte a captivé notre attention, car son titre semblait idoine et prémonitoire pour certains, à savoir une descente dans le Maelstrom. Nous avions atteint le sommet du rocher le plus élevé. On est bien là, hein ? Ah, c'est super ! Ça détend, hein ? Le ciel était clair, le vent était tombé, et la pleine lune se couchait radieusement à l'ouest, quand je me retrouvais à la surface de l'océan, juste en vue de la côte de Lofoden, et au-dessus de l'endroit où était naguère le tourbillon du Moskostrom. Rien à faire. Rien à penser. Formidable de ne penser à rien. Et maintenant que le danger avait disparu, le souvenir de ces horreurs m'avait rendu muet. L'esprit libre, la tête vide. Ah, y a rien de mieux. Pépère, cool. Paisible. La pente des parois du vaste entonnoir se fit de moins en moins escarpée. Les évolutions du tourbillon devinrent graduellement de moins en moins rapides. Relax, ne pensez à rien. Qu'est-ce que c'est bon ? Ah, c'est sûr. Tu m'étonnes. Pas besoin de réfléchir, de rien faire, rien. Peu à peu, l'écume et l'arc-en-ciel disparurent. Et le fond du gouffre sembla s'élever lentement. Ah, ça fait vraiment du bien de reprendre le boulot. Oh, formidable, PS. Alors, tout d'abord, il va falloir trouver quelques idées afin de bâtir un programme. Quelqu'un veut prendre la parole ? Eh ben, toujours pas. Assurément, on n'en est pas encore au jamais plus pour le Parti Socialiste, mais bon, franchement, faut faire gaffe, là. Alors ensuite, tu n'ignores plus désormais les fructueuses relations qui unissent depuis plusieurs mois maintenant le ministère psychique aux grands studios hollywoodiens. Et, Figure-toi que ce matin, ce sont les producteurs de Sylvester Stallone qui vont nous offrir en exclusivité mondiale la bande-annonce du prochain film écrit et réalisé par Stallone lui-même. C'est une information authentique et qui n'est autre qu'une biographie d'Edgar Poe, dis donc, qui ne devrait sortir en France qu'en 2011, mais spécialement pour toi, voici les premiers éléments de cette super production. Attention, attention, ici Radio KEB Dunwich. La police locale nous prie d'interrompre notre programme pour vous communiquer un message urgent. L'état d'alerte a été déclaré à Dunwich et prend effet immédiatement. Restez chez vous, ne sortez sous aucun prétexte. Mais pourquoi ils veulent pas qu'on sorte, Harry ? Ça doit être à cause des morts qui sortent de leur tombe. Oh, arrête de plaisanter. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le préfet, mesdames et messieurs, dans la crise que nous traversons, au fond, le plus important, c'est d'être rassemblés. Non, surtout que personne ne brise le cercle. Ça risque d'être dangereux pour Marino, briser le cercle. On a beaucoup entendu que ce montant était insuffisant au regard des plans étrangers. D'abord, c'est faux, parce que on ne compare pas des choses qui sont comparables. Seigneur, tout cela est effrayant. Ça dépasse l'imagination. Au total, c'est plus de 50 milliards d'euros qui seront dirigés vers le soutien de l'activité et vers les revenus les plus modestes. Il faudrait que l'on referme cette porte maudite avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être que nous pourrons le faire à temps. Aujourd'hui, 13 600 collectivités ont déjà signé une convention pour un total de 35 milliards d'euros. Cette histoire me rendra folle. Il y a de quoi. C'est incroyable. Oui, c'est pas 35 milliards d'euros, mais 3 milliards et demi d'euros. Naturellement, chacun aura rectifié le chiffre. Vous vous rappelez, ça a commencé le jour où le père Thomas s'est pendu dans le cimetière. Depuis, à Dunwich, on a peur. On a tous peur. Moi, j'invite les Français à ignorer. C'est étrange, c'est bien la première fois qu'ils se comportent ainsi. Je vous demande de vous engager, de porter l'idéal européen. Oui, c'est étonnant, il aime tellement se faire caresser. Quelque chose a dû lui faire peur. Chaque fois que cela est possible, nous essayons de faire en sorte que l'aide de l'État ne couvre pas une entreprise ou des entreprises, mais l'intégralité d'une filière. Mon Dieu, quel massacre. Quelle horreur. Ils ont été littéralement mis en morceaux. Je veux évidemment souligner ici devant vous l'apport considérable des collectivités locales. Plaisanterie ou pas, moi je prends mon fric. Je ferme la boutique et tant que cette histoire ne sera pas terminée, j'y mets plus les pieds. Eh bien, je vous remercie de donner l'image d'une France qui ne néglige aucun effort pour sa relance et qui sait aussi tendre la main à ceux qui en ont besoin. Vive Mulhouse, vive l'Alsace, vive la France. C'est ton imagination. Il faut oublier tout ça. Allez, va te coucher. Vivement la suite, non ? On dirait presque les contes du grotesque et de l'arabesque. Mais une fois encore, ça fout la trouille. Hein. Enfin bref, pour en finir maintenant avec les résurgences contemporaines de notre passion horrifique, revenons au sein de notre bienveillant ministère où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même et trépané deux fois, que nous appelons ici Long Corps Chétif, t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques poésques. Alors, comme d'habitude, c'est complètement absurde et sans aucun doute frappadingue, mais bon, c'est la tradition. Yeah. Les malades ont la parole. Ouah. Yeah. Ouh. Ouais, je t'aime bien, Edgar Poe. Pourtant, t'es pas un rigolard, Edgar. Assieds-toi que je me penche sur ton cas, Poe. D'abord, t'as la tronche d'un hamster qui se serait mangé un camion. Tu vois tout en noir, et pépère, les chats, les corbeaux. Quand t'étais petit, tu t'es mouché dans une soutane ou quoi? Oh, je t'assure, tu fous la trouille, mon poteau. J'espère que tu lis pas tes histoires à des gamins pour les endormir, hein. Parce que c'est sûr qu'on les retrouve au matin, scotchés au mur avec des yeux de hibou. T'es trop dur, et décontracte-toi. T'es trop Edgar, d'avoue. Change de nom, et trouve quelque chose de plus gai. Bouffe du clown. Fais-toi appeler Edgar Popo. Tu vois, c'est déjà mieux. Et laisse tomber le fantastique. Tu vas trop au-delà du réel, de Madrid. Ça fout les chocottes. Je t'assure, le paranormal, ça mène à rien. Moi, à l'armée, j'en ai connu un. Il était quand même bête à manger du foin. Je suis trop con.